إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va continuer inshallah sans plus attendre sur la continuité de l'explication de ce chapitre. Toujours sur l'étude de ce verset, lorsqu'Allah Jalla Wa'ala, dans la sourate les bestiaux, nous informe qu'il a créé les cieux et la terre pour un but et un objectif bien précis et bien défini. Et donc après qu'on s'était fait un grand rappel sur l'importance de ce savoir et l'importance de cette science, et le but et l'objectif pour lequel on apprend cette science, et l'importance de ensuite la mettre en application et en pratique. Ensuite, on est revenu, Inch'Allah, sur l'explication de la création des cieux et de la terre. Et on avait dit que pour cela, Cheikh Ibn Uthaymeen, le commentateur, avait évoqué le verset 9 dans la sourate Fussilat. Donc dans ce verset, ensuite il y a aussi la mention du verset 10, et le verset 11 et 12. Et dans ces versets, Allah Jalla Wa'ala donc nous enseigne la manière dont il a créé les cieux et la terre. Et donc on apprend dans ce verset qu'Allah Jalla Wa'ala, comme on l'a dit précédemment dans les allocutions précédentes, qu'Allah a créé les cieux et la terre en six jours. Et dans le verset, dans le premier verset où Allah Jalla Wa'ala nous dit après qu'il ait créé la terre en deux jours, ensuite Allah Jalla Wa'ala nous dit que c'est lui qui a placé sur elle des montagnes. Et c'est pour cela que hier on a terminé notre assise, ou notre allocution, par l'explication et la mention de certains bienfaits et utilités concernant les montagnes. Et que les montagnes n'ont pas été créées comme cela d'une manière superflue, mais il y a une raison et des sagesses derrière la création de ces montagnes. Donc il y a un énorme bénéfice pour les êtres qui vivent sur cette terre, par rapport aux montagnes. Donc on avait mentionné certains bienfaits, certaines utilités liées à la création des montagnes. Et on avait dit que Ibn al-Qayyim et certains savants ont mentionné justement certaines sagesses et certains profits et utilités concernant les montagnes. Et donc Allah Jalla Wa'ala nous dit dans ce verset que c'est lui qui a placé sur elle des montagnes. Donc il y a un but, une cause ou des causes, pour laquelle Jalla Wa'ala, Allah Jalla Wa'ala a créé et a placé des montagnes. Et lorsqu'Allah Jalla Wa'ala nous parle de ces montagnes, donc on a dit que dans le verset, c'est le terme Rawasi, Rawasiya qui est mentionné. Rawasiya qui est mentionné. Et ça sous-entend, c'est ce terme-là qui sous-entend des montagnes qui seraient fermement implantées. C'est dans ce sens-là. Donc Allah Jalla Wa'ala, après qu'il nous a informé au sujet de la création de la terre, Allah Jalla Wa'ala nous informe qu'il a placé sur elle, sur la terre, donc des montagnes qui sont fermement implantées et solidement fixées, si vous voulez. Ensuite, Allah Jalla Wa'ala nous informe ensuite qu'il a béni cela. Donc, il nous informe au sujet de sa bénédiction. Donc, il l'a béni. Et ensuite, Allah Jalla Wa'ala nous informe dans ce verset qu'il a déterminé la subsistance de toutes les créatures, de tous les êtres. Et tout cela s'est fait en 4 jours, comme on l'a dit. Tout cela en 4 jours, c'est-à-dire aussi bien la création de la terre, aussi bien ensuite le fait qu'Allah ait placé sur elle des montagnes hein, qui sont fermement, comme on l'a dit, implantées. Ensuite, Allah a béni tout cela et Allah a déterminé la subsistance de tous les êtres. De tous les êtres. Donc ça, on a dit que ça s'est fait une période de 4 jours, comme c'est mentionné dans le verset. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son commentaire, donc, l'auteur du commentaire, après qu'il ait mentionné certains bienfaits et utilités concernant la création des montagnes, ensuite Cheikh nous dit Wa anzalallahu fiha al-baraka. Et pour cela, ensuite, Allah Jalla wa Ala a fait descendre sa bénédiction. Allah a béni cela. Wa lihada fahiya tahmil bani Adam wa an'am bani Adam wa arzaq bani Adam ala kathrati man yulad wa yamut fi hadhihi al-ard. Fahiya mubarakatun lahum. Et Shir va illustrer cela, l'auteur va illustrer cela avec une très belle parole, en disant que lorsqu'on observe ce que supporte cette terre et ce que porte cette terre, parmi la descendance de Adam, parmi toute la descendance de Adam, par exemple, parmi la subsistance de la descendance de Adam, c'est-à-dire de tous les êtres humains, de toute l'humanité, regardez ce que supporte cette terre. Elle supporte et porte sur elle toute l'humanité, les hommes. Donc elle va supporter toute l'humanité, les bestiaux, les bêtes de ces hommes, des enfants de Adam, la subsistance de ces deux hommes. Et Shir nous dit ensuite, et malgré tous ces êtres qui naissent sur Terre, vous avez vu, hein, tous ces êtres chaque jour qui naissent, et tous ces êtres aussi, à l'inverse, chaque jour, qui décèdent et qui meurent et que porte cette terre, puisqu'ensuite, les gens qui naissent vont vivre sur cette terre et les gens qui meurent seront enterrés dans cette terre. Vous avez vu? Donc, Sherman Athémine ici veut illustrer hein, cela, tout ce que supporte et porte cette terre, que ce soit toute l'humanité, tous les hommes, que tous les bestiaux, toutes les bêtes que possèdent ces hommes, leur subsistance, tous ces êtres qui naissent, tous ces hommes qui décèdent, tous ces êtres qui décèdent, eh ben la terre supporte tout cela. Et de ce fait, il dit, on voit qu'il y a vraiment une bénédiction. Qu'Allah Jalla wa Ala a vraiment béni cela. Comme Allah Jalla wa Ala nous le mentionne dans le verset. Donc c'est vraiment quelque chose à méditer. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala, ensuite, après qu'il nous a enseigné qu'il a placer ces montagnes qui sont solidement fixées sur cette terre et qu'Allah Jalla wa Ala ensuite a béni cela, lorsqu'Allah nous parle de cette bénédiction, ce n'est pas en vain, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir, du fait que après, lorsque vraiment on observe tout ce que supporte cette terre, on voit vraiment qu'il y a une bénédiction en cela. En l'occurrence, Allah ensuite nous dit dans le verset wa qaddara fiha aqwataha. Ensuite, Allah Jalla wa Ala nous dit qu'il a déterminé, après la bénédiction, Allah il a déterminé la subsistance de tous ces êtres, de tous ces êtres vivants sur cette terre. Yarni, et l'auteur nous explique en disant Faja'ala fi kulli iqlim quwtahu alladhi yahtaju ilayhi. Faja'ala fi kulli iqlim quwtahu alladhi yahtaju ilayhi. Wa ja'ala hadhihi al-aqwat tujadu fi iqlim duna iqlim. وفي بلد دون بلد ليتبادل الناس التجارة فيما بينهم فينقل هؤلاء إلى هؤلاء وهؤلاء إلى هؤلاء ولهذا قال الله جل وعلا وقدر فيها أقواتها وقبلها قال وجعل فيها رواسي لأن الأقوات مقدرة بحسب الحاجة وبحسب المصلحة التي تقوم بين بني آدم. Alors, regardez ensuite, l'auteur nous dit. Ensuite, Allah Jalla wa Ala nous dit, wa qaddara fiha aqwataha. Dans le sens, ja'ala fi kulli iqlim qutahu. Et là, on peut comprendre lorsqu'Allah dit qu'il a déterminé la subsistance de chaque être, c'est-à-dire que chaque région plutôt, chaque zone, chaque territoire de la terre, si vous voulez, ou chaque province, elle aura sa subsistance. Elle aura sa subsistance qui lui incombe. Et, wa ja'ala hadhihi al-aqwat. Et on verra que, on peut constater que cette subsistance-là, on trouve une certaine forme, une certaine catégorie dans certaines provinces, sans que d'autres provinces les possèdent forcément. Et dans d'autres territoires ou d'autres provinces ou d'autres contrées, on trouvera d'autres formes et catégories de subsistance que ne possèdent pas peut-être d'autres provinces ou contrées ou bien régions du monde. Et de ce fait, le fait que l'on trouve dans certaines contrées et certaines régions certaines subsistances, certaines formes hein, et catégories de subsistance qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres provinces ou régions, parmi les raisons à cela et les sagesses à cela, le fait que les gens ensuite vont faire ce qu'on appelle des échanges commerciaux. Donc il y aura un échange commercial, si vous voulez. Et de ce fait, les gens vont tirer profit de ces subsistances, de ces différentes formes de subsistance et catégories de subsistance, et vont tirer profit, utilité de cela. Donc ensuite, il y aura échange de ces marchandises, échange de ces différentes catégories de subsistance. Et donc, il y aura une relation entre zone, bien région ou bien province. Et comme cela, Allah Jalla Wa'ala a tout déterminé. Et ça fait partie de sa création, subhanahu wa ta'ala, et de son immense sagesse. Allah Jalla Wa'ala, tout ce qu'il a décrété, tout ce qu'il a fait, Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a une sagesse qui est immense de sa part. Et pour cette raison, l'auteur, Cheikh Ibn Uthaymeen, nous dit que cette subsistance qu'Allah Jalla Wa'ala a bien déterminée, elle est liée en fonction des besoins. Elle est liée en fonction des besoins des êtres vivants sur cette terre. Wa bi hasabil maslaha, et selon leur intérêt, l'intérêt qu'ils vont tirer de ces bienfaits et de ces marchandises, de cette subsistance-là. فبعد أن خلق الأرض وبارك فيها وقدر فيها قوتها في الأربعة أيام. Ensuite, l'auteur nous dit, après ensuite qu'Allah Jalla ait créé la terre, qu'il ait placé les montagnes, qu'il ait accordé sa bénédiction, et donc qu'il a déterminé la subsistance des êtres, et tout cela a été fait en 4 jours, ensuite Allah Jalla nous informe au sujet de la création des cieux. Et dans le verset, Allah Jalla nous informe de la création des cieux, alors que les cieux n'était que Dukhan. Dans le verset Allah Jalla Wa'ala, on se dit Thumma stawa ila samai wa hiya Dukhanun. Ensuite, Allah Jalla Wa'ala, lorsqu'il nous informe de la création des cieux et de l'état des cieux, alors, puis Allah se tourna vers le ciel qui n'était alors qu'une vapeur, une traduction relative. Traduction relative du sens du verset. Et selon l'explication et l'exégèse, vous pourrez retrouver dans l'exégèse de Ibn Kathir ou dans As-Sa'di ou d'autres, comme Al-Barawi ou Tabari ou d'autres qui ont bien expliqué et commenté ces versets. Donc les commentateurs disent, les grands exégètes disent que lorsqu'Allah ensuite créa le ciel, alors ce ciel, Allah Jalla nous l'informe, ou plutôt nous informe à son sujet, qu'il était Dukhan. Donc le terme Dukhan, qu'on pourrait traduire d'une manière littérale, fumée, mais le sens ici, beaucoup de savants disent, en quelque sorte, qu'il était une sorte de vapeur. Une sorte de vapeur. Comme nous dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il nous dit, وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ هَذَا بُخَارُ الْمَاءِ إِنَّ هَذَا بُخَارُ الْمَاءِ لِأَنَّ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ كَانَتْ مَاءً كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. C'est pour ça que le commentateur nous fait part que les savants, beaucoup de savants ou certains savants, ont dit que lorsqu'il est dit, il est mentionné ce terme-là, Dukhan, fumée, c'est dans le sens la vapeur de l'eau. La vapeur de l'eau. Pourquoi? Parce que Cheikh nous dit, les en al-ard wa sama, parce que la terre et les cieux avant étaient eau. Avant étaient eau. Comme Allah Jalla nous dit dans un verset, wa kana arshuhu ala al-ma, et son trône était sur l'eau. Et son trône était sur l'eau. De ce fait, Cheikh nous dit que le sens de la fumée ici, c'est une sorte de vapeur qui émane de l'eau. Ensuite, Allah, dans le verset, subhanahu wa ta'ala, nous fait part ensuite qu'il va s'adresser. Allah va s'adresser aux cieux et à la terre. Il va s'adresser aux cieux et à la terre en disant, venez, vous deux, de plein gré ou contraint, et ils dirent, c'est-à-dire les cieux et la terre, nous venons en toute obéissance. Donc après qu'Allah, Jalla Wa'ala, nous a informé du ciel, alors qu'il n'était alors qu'une vapeur, en lui disant, et à la terre, venez-vous deux, de plein gré ou contraint, ils dirent, nous venons en toute obéissance. Donc ça, c'est une traduction relative du sens du verset 11. 11, donc toujours la même sourate, la sourate des versets détaillés. Et là, le commentateur va souligner un point important. Il va dire dans ce verset, on voit qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas détaillé la création des cieux comme il l'a fait pour la création de la terre. Donc on voit que pour la terre, Allah Jalla wa Ala nous a détaillé cela, nous a détaillé en quelque sorte les 4 jours. Car Allah Jalla wa Ala a d'abord créé la terre, ensuite Allah Jalla wa Ala a placé les montagnes hein, solidement, solidement, et qu'il a béni cela, ensuite qu'il a déterminé la subsistance. Donc ça, c'est les 4 jours, c'est les 4 premiers jours. Ensuite, Allah Jalla wa Ala va nous mentionner qu'il a créé les cieux en 2 jours. Mais la création des cieux, Allah Jalla wa Ala ne va pas nous apporter dans ce verset de détails sur cela. Et Cheikh Ibn Al-Thaymin souligne donc ce point-là. Il dit pourquoi? Il dit puisque Allah Jalla wa Ala, ici, nous enseigne ce dont l'homme a besoin. Il enseigne à l'homme ce qu'il a besoin et ce qui est lié à son intérêt. Et donc à ses intérêts. Et l'homme, lui, son intérêt, du fait qu'il vit sur terre, et du fait donc que sa subsistance aussi se trouve sur terre, et sa vie sur terre, et ensuite il mourra sur terre, il sera enterré sur terre, pour qu'ensuite il sera ressuscité. Donc lui, son intérêt à l'homme, c'est ce qui se passe sur terre. Et c'est pour ça que Cheikh Ibn Al-Thaymin nous donne cette précision, et il dit ça, ça fait partie de la sagesse immense d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il ait pris en considération Allah, l'intérêt de l'individu et de l'être et de l'homme. Pour cela, Allah Jalla wa Ala nous a parlé de la création de la terre. Il nous a donné certains détails de la création de la terre sans qu'il nous donne les détails forcément de la création des cieux. Et ça, c'est un point important que souligne Cheikh Ibn Al-Thaymin. Lakin, liyatabayyan linnas, عناية الله سبحانه وتعالى بما نباشره من المصالح والناس في الأرض فانظر عناية الله جل وعلا ثم ليتبين لك أن كون الله جل وعلا خلق الأرض في 4 أيام والسماء في يومين ليس عجزا منه أن يخلق الأرض في لحظة لذلك خلق السماوات وهي أعظم منها في يومين أي نصف مدة الأرض. Et on va voir que Cheikh Ibn Al-Thaymin ensuite va mentionner un autre point. Donc le premier point, premièrement, on se rend compte de l'intention particulière de notre Seigneur envers ses créatures. C'est ce que Cheikh ici dénote en disant Inayatullah. Ce qu'il appelle Inayatullah, c'est l'intention particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses créatures. Du fait qu'Allah Jalla wa Ala nous a informés au sujet de certains détails concernant la terre. Pourquoi? Puisque comme on l'a dit précédemment, ça c'est dû à notre intérêt, du fait que notre vie se fait, se produit, se passe sur terre. Ensuite, Allah Jalla wa Ala, donc après qu'il nous ait mentionné que la terre s'est faite en 4 jours, Allah va nous mentionner dans le verset prochain que la création des cieux s'est faite en 2 jours. Comme on l'avait dit dans une allocution précédente, à savoir que Allah Jalla wa Ala aurait pu créer cela en un seul instant. N'avait pas besoin de tous ces jours Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, Allah Jalla wa Ala a la capacité, a le pouvoir absolu. Et il pouvait créer cela en un seul instant. En disant soit, et cela aurait été existant. Sauf qu'Allah Jalla wa Ala nous informe qu'il a créé cela, aussi bien la terre et les cieux en 6 jours. Et derrière cela, il y a une immense sagesse. Et on avait détaillé cela dans une allocution précédente. Et Allah Jalla wa Ala est celui qui fait ce qu'il veut. Mais ici, Cheikh Ibn Al-Thaymin va souligner un autre point. Il va dire, alors que la création des cieux est plus vaste que la création de la terre, mais on voit que pour la création de la terre, il y a eu 4 jours mentionnés, pour la création des cieux, il y a eu 2 jours mentionnés. Alors qu'il dit que, c'est-à-dire que pour la création de la terre, il a été mentionné le double, donc 4 jours que la création par rapport à la création des cieux. Et là, Cheikh nous dit, alors que la création des cieux, il y a Arzam, Arzam Minha, est plus grande et plus vaste que la création de la terre. Donc vous voyez, il dit, cela appartient à Allah. Allah fait ce qu'il veut. Et Allah fait ce qu'il décide, et c'est lui qui décrète et prédestine tout, subhanahu wa ta'ala. Il a le pouvoir absolu sur tout, et c'est lui le créateur, subhanahu wa ta'ala. Et Shir, ici, avant de conclure ce passage, c'est-à-dire l'auteur du commentaire, avant de conclure ce passage, alors il nous dit, Wahuna, il va souligner un point important aussi concernant la langue arabe, concernant le style et l'éloquence employée dans ce verset. Donc il va faire attention au style, à l'éloquence employée dans le verset et à un point subtil concernant la langue arabe. Il dit, lorsqu'Allah ensuite s'est adressé aux cieux et à la terre, et il leur a dit donc de venir, et ensuite, de gré, de plein gré ou bien malgré. La terre et les cieux ont répondu, ensuite elles sont venues et sont venues soumises. Et Allah Jalla dans le verset dans le Coran, il est mentionné Atayna ta'i'in. Atayna ta'i'in. Donc il y a la description des cieux et de la terre qu'ils ont répondu et sont venus à Allah subhanahu soumis. Subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah, dans le verset, leur dit, venez tous deux, de bon gré ou contraint. Et ensuite, il dit, nous venons en toute obéissance. Et donc, le ciel et la terre répondirent, nous venons en toute obéissance. Et là, le terme obéissance, qui est traduit en toute obéissance, ici, c'est un point subtil à observer pour ceux qui aiment observer les points subtils de la langue arabe et le style et l'éloquence employés dans le verset. Ta'i'in. Donc, ta'i'in, Shir dit que c'est un pluriel. Dans l'arabe, ici, le terme qui est mentionné, c'est un pluriel masculin régulier. C'est ce qu'on appelle al-jam' al-mudhakkar salim. Donc, c'est un pluriel masculin régulier qui est mentionné. Or, les cieux et la terre, ce sont des éléments, on va dire, solides. Jamad, c'est ce qu'on appelle en arabe al-jamad. La yujma' jam' al-mudhakkar saliman. Alors que al-jamad, les éléments solides, c'est-à-dire ces éléments qui ne sont pas doués d'une raison, de ce qu'on appelle al-aql, qui ne sont pas aql. Pourquoi dans le verset il est mentionné le pluriel masculin régulier, alors que pour les éléments solides, on n'emploie pas le pluriel masculin régulier normalement? Le pluriel masculin régulier, normalement, c'est pour des choses douées de raison. Douées de raison. Donc pourquoi dans le verset, il est employé le pluriel masculin régulier? Shir a fait cette observation, qui est très minutieuse. Et il dit, certains exégètes plutôt, ont dit une parole très étonnante. On dit une parole et dit qu'elle est très étonnante. Il dit donc, c'est le pluriel masculin régulier qui a été mentionné. Pourquoi? Par rapport à ce que porte la terre, par rapport à ce que porte et supporte la terre et les cieux, comme être humain, comme djinn et comme ange. Donc elle répond selon cette considération-là. C'est pour cela que c'est le terme ta'i'in, c'est un pluriel masculin régulier qui a été utilisé pour décrire et définir les cieux et la terre à ce moment-là. فَغَلَّبَ الْعَاقِلَ عَلَى غَيْرِ الْعَاقِلِ فقال بعض المفسرين قولا عجيبا قال قالت أتينا بمن فينا من إنس وجن وملائكة وطائعين فغلب العاقل على غير العاقل فغلب العاقل على غير العاقل والصواب خلاف ذلك كما قال الشيخ العثيمين يقول والصواب خلاف ذلك لأن الناس لم يخلقوا بعد حين خلق السماوات والأرض ولكن المعنى أنهما لما كان يخاطبان ويخاطبان صار بمنزلة العاقل فقال أتينا طائعين وهذا أمر لا شك فيه وقال في النهاية وهذا أمر لا شك فيه. Et lui, Cheikh Ibn Athaymine, dit que, donc cette parole, ça c'est l'avis de certains exégètes, qu'ils ont dit que c'est pour cela que c'est le pluriel masculin régulier qui a été mentionné. Par rapport à la considération et ce que porte et supporte la terre et les cieux comme homme, comme djinn et malaïka. Et malaïka. Et là, l'auteur, Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, en réalité, ce qu'il faut comprendre du verset, c'est autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est autre. Pourquoi? Parce que lorsque les cieux et la terre ont été créés, il n'y avait pas encore eu la création, par exemple, des hommes. Il n'y avait pas eu la création, lem yukhlaqu ba'd. Donc les hommes, par exemple, n'avaient pas été encore créés. Donc de ce fait, ils disent qu'il faut comprendre ici pourquoi les cieux et la terre ont été décrits de cette manière et définis de cette manière par un pluriel masculin régulé. Ils disent tout simplement parce que les cieux et la terre, on s'est adressé à elles. Allah Jalla s'est adressé aux cieux et à la terre. Et donc ensuite, les cieux et la terre vont répondre. Donc, aussi bien elles étaient interlocuteurs, on va dire, et aussi bien elles vont parler. Et de cette considération-là, il dit, donc elles ont eu le rang et le statut de aqil. Elles ont eu le statut de comme d'élément doué de raison. Comme élément doué de raison, puisque on va s'adresser à elles, puisqu'Allah Jalla va s'adresser aux cieux et à la terre, et les cieux et la terre ensuite vont répondre. Et vont venir à Allah en toute obéissance. Donc en toute obéissance, ce qui était employé, le style et l'éloquence qui était employé dans le verset, c'est le masculin, le pluriel masculin régulier, du fait que Sara, ou Sara, bimanzilati al-aqil, kama qulna. Faqulna, ataina ta'in. Pour cela, le verset en arabe, il est dit, hein, ataina et Chiri dit, et cette explication-là, c'est quelque chose dont il n'y a aucun doute. C'est comme cela qu'il faut le comprendre, dont il n'y a aucun doute. À partir du moment qu'Allah Jalla s'est adressé aux cieux et à la terre, et que les cieux et la terre vont répondre, donc elles ont le statut d'élément, comme si, bimanzilatil aql, doué de raison. Et de ce fait, elles seront définies et décrites comme étant, ou plutôt avec le pluriel masculin régulier. Donc voilà, ça c'est juste une subtilité pour vous faire montrer les subtilités de la langue arabe et l'éloquence qui est employée dans les versets. Et ceux vraiment qui se consacrent à l'approfondissement, à s'approfondir dans la connaissance de l'arabe et ils s'approfondissent dans la méditation et la réflexion concernant les versets, eux émettent ensuite des éléments profitable de cette manière. Ils observent le style arabe qui est mentionné. Et de ce fait, là, on a un exemple. On a un exemple d'observation de savant. Là, c'est vraiment une observation profonde, hein, approfondie. Et concernant aussi la langue arabe. Pourquoi? Parce que pour bien comprendre les versets, il faut bien s'approfondir dans la langue arabe. Et approfondir la connaissance plutôt dans la langue arabe. C'est pour cela que ce Coran, il a été révélé d'une langue arabe claire, explicite, hein. Claire, hein. Ce qui donne la clarté du Coran, cette langue arabe qui est claire. Donc le Coran est descendu d'une langue arabe explicite et claire. Et de ce fait, pour bien comprendre l'essence, il faut vraiment s'approfondir ici dans la compréhension de la langue arabe. Al-Muhim, ce qui est important, c'est que maintenant Shir va conclure ce sujet, ce passage, en disant Al-Khulasa, en résumé, en conclusion. Ce qu'il faut retenir, en Allah khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyam. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Allah Jalla wala a créé les cieux et la terre, en résumé, en 6 jours. Wa dhakara dhalika mujmalan wa mufassalan. Wa law sha'a la khalaqahuma fi lahdha. Fa idha arada shay'an fa innahu yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala lil qalam uktub ma huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah. Wal qalamu jamadun wa ma'a dhalika kataba huwa wa ma'a dhalika كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ما هو كائن إلى يوم القيامة لأن أمر الله لا يرد لو قال للسماء والأرض كونا أرضا وكونا سماء لكانت في لحظة لكن قال العلماء إن الله عز وجل مدد الخلق إلى 6 أيام تعليما للعباد إذا فعلوا أن يفعلوا على وجه الجودة والتأني وإتقان الشيء دون التسرع والتعجل هذه من جهة ومن جهة أخرى أن الله جل وعلا وحكيم فالخلق يحتاج إلى التدرج فكانت الحكمة تقتضي أن يخلقهما أو أن يخلقهما بالتدرج حتى يصل إلى الكمال إلى آخر الكلام وقد ذكرنا هذا الكلام للشيخ ابن عثيمين Et c'est pour cela que Cheikh, il nous dit en conclusion, ce qu'il faut retenir, en résumé, de tout ce qui a été appris dans ce qui a précédé, depuis le début de l'étude de ce chapitre. Ce qu'il faut retenir en résumé, c'est qu'Allah Jalla wa Ala a créé les cieux et la terre, donc en 6 jours, comme on l'a dit. Et Allah nous a mentionné cela, évoqué cela dans le Coran, d'une manière générale et globale, comme il nous a mentionné cela d'une manière détaillée. Et Shir, pour illustrer cela, cette manière détaillée, il a fait référence au verset 9, hein, à partir du verset 9 de la sourate, les versets détaillés, Fussilat. Et ensuite, parmi les enseignements à retirer aussi de cela, à tirer de cela, c'est que on a appris aussi que si Allah Jalla wa Ala aurait voulu créer les cieux et la terre d'un seul instant, qu'on dit, hein, fait lahza, Allah aurait pu le faire. Pourquoi? Parce qu'il suffit pour Allah de dire une chose d'être et elle est ensuite. Alors il suffit de lui dire soit, ensuite cette chose existe, comme par exemple Allah Jalla wa Ala a mentionné et évoqué cela dans le verset 117 de la sourate Al-Baqarah, la sourate la vache. Et comme il nous est rapporté dans un hadith authentique, dans ce hadith de Ubada ibn Samit, qui a authentifié l'imam Al-Albani, rahimahullah, dans l'authentique de dans Sunan Tirmidhi, où le prophète ensemble nous a rapporté qu'il a dit que Allah, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, lorsqu'il a créé, Allah a dit Uktub ma huwa ka'in ila yawm al-qiyamah. Allah khalaqa al-qalam. Allah khalaqa al-qalam. Allah a créé la plume. Il lui a dit écris tout ce qui sera existant jusqu'à yawm al-qiyamah, jusqu'à l'arrivée de l'or ou sinon jusqu'à la résurrection. Ou al-qalam jamad. Alors que la plume est jamad, c'est un élément solide aussi. Wa ma'a dhalika kataba ma huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah. Mais malgré cela, la plume a inscrit, a tout consigné. C'est pour ça que tout a été consigné. Elle a tout inscrit. Tout ce qui a été prédestiné, tout ce qu'Allah Jalla a décrété, ça a été inscrit. Donc la plume a tout écrit. Ila yawm al-qiyamah. Tout ce qui se produira jusqu'à la résurrection. Li'anna amr Allah la yurad. Pourquoi? Parce que l'ordre d'Allah est irrévocable. Et ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien l'assimiler. Que l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est irrévocable. C'est pour cela que ça fait partie des choses, hein, et des bases essentielles et fondamentales de notre religion, que tout ce qui se produit dans cet univers, il a qiyam sa'a, tout cela a été consigné dans un livre bien gardé et protégé. Ça, c'est très important. Et tout ce qu'Allah Jalla wa Ala donc a ordonné, ce sont des choses qui sont irrévocables. Pour cela, l'auteur nous explique que si Allah Jalla wa Ala aurait dit à la terre d'être et aux cieux d'être, alors ils auraient existé, et cela d'un seul instant. D'un seul instant. En ce qui concerne ensuite les sagesses pour lesquelles Allah a créé cela en 6 jours, on a évoqué cela dans les allocutions précédentes. Voilà, donc ça c'était la conclusion de Cheikh Ibn Uthaymeen, en quelque sorte le résumé de Cheikh Ibn Uthaymeen concernant ce passage. Donc il a fini de détailler. C'est la création avec le verset, comme on a dit, dans la sourate, les versets détaillés, dans la sourate Fussilat. Donc voilà, ça c'était la conclusion de Cheikh Ibn Uthaymeen. Et par contre, il y a un autre point, on peut ouvrir juste une petite parenthèse par rapport à une question, par rapport à une question qui est liée à Hadith. Il y a aussi, donc là on a pris un détail, le détail de cela dans le Coran, en l'occurrence dans ce verset qu'a mentionné Cheikh Ibn Uthaymeen, le commentateur, mais aussi vous pouvez retrouver dans il y a un hadith où le prophète Sam il est rapporté qu'il a détaillé aussi, qu'il a détaillé, on a un récit dans la sunna du prophète Sam où il y a le détail de la création, le détail de la création, et c'est un hadith qui est rapporté d'Abu Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu. Donc il est rapporté par de nombreux rapporteurs, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, par Ahmad ibn Hanbal, dans le Musnad, par Ibn Khuzaima, par Ibn Hibban, par Tabarani, où il est rapporté que le prophète sallam a dit Akhada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam biyadi faqal, ou Abu Huraira, qala Akhada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam biyadi faqal khalaqa Allahu azza wa jal at-turbata yawm as-sabt, wa khalaqa fiha al-jibal yawm al-ahad, wa khalaqa ash-shajara yawm al-ithnain. وخلق المقروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الاربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق ادم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعه في اخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهذا الحديث كما قلنا رواه مسلم وأحمد في مسنده وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي والطبري وغيرهم وغيرهم. Dans ce hadith, on a donc ce récit, comme je l'ai dit précédemment, qui a été rapporté, où il y a des détails au sujet de la création. Et Abu Huraira, il est dit dans ce récit, qu'il dit que le prophète Assam lui a pris la main et lui a dit, Allah Jalla wa Ala a créé la terre, c'est-à-dire cette terre que vous voyez sur terre, la terre, At-Turba, Yom As-Sabt, le samedi. Ensuite, il a créé les montagnes le dimanche. Ensuite, il créa les arbres le lundi. Ensuite, il créa les choses nuisantes le mardi. Ensuite, il créa la lumière le mercredi. وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَ يَوْمَ الْخَمِيسِ. Ensuite, Allah Jalla wa Ala a mis les différentes bêtes qui vivent sur terre le الخميس. Donc ici, les animaux, les bêtes, le jeudi. Et il créa Adam le vendredi après Al-Asr. Après Al-Asr. Donc à la fin du récit, il est dit que Adam donc fut créé un vendredi après Al-Asr. Fi akhir sa'at min sa'at al-jumu'ah. Fi ma bayn al-Asr ila al-layl. C'est-à-dire à la dernière heure entre Al-Asr et le Maghrib. Et le Maghrib. Ça c'est en ce qui concerne la création de Adam. Donc vous avez vu dans ce hadith, il y a des détails. C'est pour cela que, sur la création, c'est pour ça que vous allez retrouver parfois dans certains livres. Certains livres, lorsqu'ils parlent de la création, ou parfois lorsqu'ils parlent des prophètes, en l'occurrence lorsqu'ils parlent de Adam, et ils parlent donc de la création de Adam, et que cela fut un vendredi, comme c'est mentionné après le Al-Asr, après le temps du Asr. Donc ça sera entre le Asr et le Maghreb à la dernière heure, comme c'est mentionné dans ce récit. Donc vous pouvez retrouver les détails de la création, et de la création par exemple de Turba, les détails de la création des arbres, des montagnes et autres, par rapport au jour donné dans ce récit. Donc vous allez retrouver cela dans certains livres. Et ceux justement qui vont mentionner ce hadith-là, ce sont les savants qui l'authentifient. Ce sont les savants qui jugent ce hadith authentique. C'est pour ça que j'ai mentionné précédemment les savants qui le rapportent. Les savants qui le rapportent et donc qui l'ont évoqué, qui ont évoqué ce hadith. Sinon, ce qu'il faut savoir, si vous ne le retrouvez pas dans d'autres livres et vous voyez que certains savants n'ont pas fait la mention, ils n'ont pas évoqué lorsqu'ils ont parlé de la création et des détails de la création. Pourquoi? Parce qu'il y a deux grands avis chez les savants concernant l'authenticité et la fiabilité du récit. Il y a deux grands avis. En l'occurrence, vous avez vu, pourtant, vous allez vous dire que c'est rapporté par l'imam Muslim. Mais il y a une divergence entre l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim sur l'authenticité du récit. Aussi bien, lui, l'imam Muslim, lui, l'a rapporté et considère le récit fiable et authentique, que l'imam al-Bukhari, lui, il ne l'a pas rapporté. Ne l'a pas remporté. Et l'imam al-Bukhari fait partie des savants et des spécialistes du domaine qui considèrent que le récit n'est pas authentique. Donc il y a deux avis chez les savants, deux grands avis chez les spécialistes de ce domaine, spécialistes en la matière. Certains savants et certaines sommités, hein, savants émérites, hein, concernant la science des récits et du hadith du prophète, considèrent que le récit n'est pas authentique, que ce récit n'est pas authentique, donc ils ne le jugent pas de la sorte. Pour ça, vous allez voir que dans leur livre, cela n'est pas mentionné. Et dans d'autres livres, cela est mentionné. Pourquoi? Comme on l'a dit précédemment, parce que d'autres savants considèrent que le récit est authentique. Donc il y a deux avis chez les savants. Un avis partagé entre l'authenticité du récit et la non-fiabilité du récit. Et de ce fait, c'est pour cela qu'ensuite, vous voyez qu'il est mentionné et cité par certains savants et par d'autres noms. Parmi les savants qui considèrent ce récit non authentique, on l'a dit, parmi eux, l'imam al-Bukhari par exemple. C'est rapporté de l'imam al-Bukhari, de Ali ibn al-Madini, parmi les grands anciens, grands imams hein, des premières générations, Yahya ibn Ma'in, Abdurrahman ibn Mahdi. Et c'est rapporté parmi les savants plus tard qui sont venus, qui ont étudié cette question-là, Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah penché vers l'avis concernant la non-fiabilité et authenticité du récit. Comme c'est rapporté d'Ibn al-Qayyim, ce qu'on comprend aussi de son grand élève, Ibn al-Qayyim, qui font partie des savants, qui considèrent pas l'authenticité du récit. Et d'autres savants, et beaucoup d'autres savants, comme on l'a mentionné précédemment, parmi les savants qui le rapportent, considèrent l'authenticité du récit. Et c'est l'avis concernant l'authenticité du récit, cet avis-là, c'est l'avis parmi les contemporains de Sheikh Al-Albani. Sheikh Al-Albani défend l'avis que le récit est authentique. Donc ça, c'est juste une faïda à savoir, c'est juste une faïda, hein, un enseignement profitable, de savoir que si on retrouve cela mentionné dans certains livres, comme c'est mentionné dans le hadith, c'est l'avis de ceux qu'ils considèrent authentique, savoir qu'il y a un deuxième avis, certains savants ne voient pas forcément l'authenticité du récit en quelque sorte. Voilà, c'était juste une petite parenthèse qui peut être profitable parfois lorsqu'on ouvre certains livres et on voit la mention, l'évocation du récit. Voilà, au moins l'étudiant ou le lecteur, il a une connaissance de ses avis, de ses avis donnés. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, après nous avoir cité ces passages et ces enseignements qu'on a cités au début de l'allocution, ensuite Cheikh Ibn Uthaymeen va nous mentionner un point important. Lorsqu'il nous a appris le comportement adopté lorsqu'on est face à un texte lié aux attributs d'Allah. Donc, on avait appris que lorsqu'on est face à un texte lié à un attribut d'Allah, lorsque dans un verset du Coran ou un hadith du prophète, il y a la mention de l'un des attributs d'Allah, que ce soit un attribut d'action ou bien que ce soit un attribut d'aisance. Pourquoi? Parce qu'il y a des attributs qui sont des attributs d'action et il y a des attributs qui sont des attributs liés à l'essence même d'Allah, des attributs liés à l'entité même d'Allah, ce qu'on appelle en arabe sifat dhatiya ou sifat al-fi'liya. C'est de les accepter comme ils ont été rapportés, comme ils nous ont été rapportés, comme ils sont mentionnés dans les textes. Ils sont cités d'une langue arabe claire, explicite, hein, et on doit les accepter comme Allah Jalla wa Ala nous les a révélés, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, il va citer un point très important, un élément profitable, et il dit tanbihun, portée d'intention. Il fait une portée d'attention en disant عجبا لهؤلاء الناس يتعمقون في أمر لم يكلفوا به في باب الصفات. Et il dit qu'elle est étonnante l'affaire de certaines personnes, certains gens, qui vont s'approfondir sur des choses, essayer de s'approfondir, d'aller dans les profondeurs d'une chose, d'aller rechercher, faire des recherches sur une chose, alors qu'ils n'ont pas la charge. Allah leur a pas imposé cette charge. Cela n'aurait pas été imposé d'aller faire des recherches concernant les attributs. Allah Jalla Wala nous a pas imposé de s'approfondir et de creuser le sujet des attributs. Ce qui nous est ordonné à nous, c'est d'accepter ces textes comme ils nous ont été révélés. Et de ce fait, il dit, c'est étonnant que certaines personnes, عجبًا لهؤلاء الناس يتعمقون, ils vont s'approfondir et creuser dans des domaines dont Allah Jalla Wala leur a imposé aucune charge. ولكن لم يتعمقوا في المأمورات والمنهيات. Par contre, il dit, là, ils ne creusent pas, ils ne s'approfondissent pas, ils n'accordent pas d'importance concernant les obligations et concernant les interdits. Alors, concernant ce qui leur a été prescrit, concernant ces obligations qu'Allah Jalla Wala a prescrit, rendu obligatoire, on les voit que là, ils ne s'approfondissent pas dans cela. Ils ne cherchent pas aller plus loin dans la compréhension de ces questions-là. Concernant les manhiyat aussi, on voit concernant les interdits d'Allah, Allah, il y a des choses qu'il a défendues, qu'il a interdites dans sa législation. On voit que ces gens qui se sont approfondis, qui ont creusé le domaine des attributs, alors qu'Allah ne leur a pas imposé cette charge, par contre, les choses qu'il fallait connaître, comme le domaine des interdits, le domaine des prescriptions, des obligations, il dit « فَلَمْ يَتَعَمَّقُوا فِيهَا » Par contre, dans ce domaine-là, là, ils ne se sont pas approfondis sur la question. Ils ne se sont pas penchés réellement sur la question. يفهمون المأمور فهما سطحيا والمنهي فهما سطحيا ويرتكبون المنهي ويركبون المأمور ويرتكبون المأمور ou plutôt يرتكبون المنهي ويتركون المأمور كما قال الشيخ. والناس يهملون فيما كلفوا به ويتكلفون فيما لم يكلفوا به بل ما نهوا عن التعمق فيه وهذه مصيبة وهذه مصيبة. Donc c'est une bonne portée d'intention et c'est Vraiment, une bonne réflexion que fait Cheikh Ibn Uthaymeen quand il dit ensuite, ils vont négliger ce domaine-là, le domaine des interdits, le domaine des obligations. Alors c'est pour cela qu'ensuite il dit, on voit qu'ils vont commettre les interdits et transgresser les limites hein, et les interdits d'Allah. فَيَرْتَكِبُونَ الْمَنْهِي وَيَتْرُكُونَ الْمَأْمُرِ Et par contre, ils vont délaisser les obligations. Donc aussi bien, on voit ces gens-là qui se sont imposés une charge qu'Allah Jalla wa'ala leur a pas imposée. Par contre, en ce qui concerne le domaine des interdits, donc là, Allah Jalla wa'ala nous a imposé de s'abstenir de certaines choses interdites et nous a prescrit, rendu obligatoire certaines choses. Et dit, on voit que certains gens, une certaine gente, si vous voulez, ces questions-là, ils les ont négligées. Et de ce fait, on les voit qu'ils commettent tous les interdits, ils se permettent tous les interdits et en même temps, ils délaissent toutes les obligations. Et ça, on voit, c'est l'affaire de beaucoup de gens et c'est la situation de beaucoup. C'est la situation de beaucoup de musulmans à l'heure actuelle et c'est pour cela que Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est cette portée d'attention et cette remarque qu'il fait, elle est vraiment pertinente. Et elle est vraiment liée au contexte, aux circonstances. Beaucoup de musulmans à l'heure actuelle, on voit, ils vont s'imposer. Et regardez, Cheikh ensuite va insister sur cela en disant النَّاسِ يُهْمِلُونَ فِي مَا كُلِّفُوا بِهِ Regardez ce qu'il dit, c'est très pertinent. Il dit alors ces gens-là, ils vont négliger ensuite leur responsabilité réelle. وَيَتَكَلَّفُونَ مَا لَمْ يُكَلَّفُوا بِهِ Et ensuite, ils vont s'imposer aussi une charge qui leur a pas été imposée de supporter. Et c'est très pertinent. Donc il dit, les gens par contre, d'un côté, ils vont négliger des choses dont Allah Jalla wa'ala leur a donné une responsabilité, donc ces choses dont ils ont une responsabilité, ces choses dont ils supportent, ils doivent supporter la charge. Alors là, il y a des choses dont il nous a imposé une charge. Par exemple, observer les obligations, s'abstenir des interdictions. Donc ça, c'est une charge qu'Allah nous a imposée. Donc on voit qu'il y a des gens qui vont délaisser et négliger cette charge qu'Allah Jalla wa'ala nous a imposée. Par contre, ils vont s'imposer des choses qu'Allah Jalla wa'ala leur a pas imposées. Donc ils vont s'imposer une charge qu'Allah Jalla wa'ala ne leur a point imposée. Et c'est pour ça que le musulman doit toujours être vigilant. Il faut observer ce qu'Allah Jalla wa'ala nous a prescrit, il faut s'abstenir ce qu'Allah Jalla wa'ala nous a interdit et ne pas aller creuser des choses dont Allah Jalla wa'ala nous a pas ordonné et imposé d'aller creuser ces questions-là. C'est pour cela qu'on voit qu'il y a dans le Coran et dans la sainte du prophète, il nous a enseigné que beaucoup de communautés précédentes ont péri à cause du fait qu'ils ont creusé, qu'ils ont essayé de s'approfondir dans des domaines qui leur étaient défendus. Et c'est pour cela qu'il y a des domaines qui nous sont défendus. Par exemple, on voit beaucoup de nations qui ont péri et qui se sont égarées et qui ont sombré dans l'égarement lorsque, par exemple, ils ont essayé de creuser les mystères du destin. Ils ont essayé de s'approfondir dans ce domaine-là. Ils ont essayé de s'immiscer, si vous voulez, en quelque sorte, dans les secrets et les profondeurs et les mystères du destin. Or, dans un récit, il nous est dit que le destin, le qadr, ce qu'on appelle la prédestinée, le qadr, c'est le secret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de ses mystères, de ses secrets. Et celui, justement, qui va essayer de s'immiscer dans ça, il risque de s'égarer. Il ne faut pas s'immiscer dans des choses, s'approfondir dans des choses qui n'appartiennent qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, on voit que beaucoup de gens, la charge qu'Allah Jalla wa'ala leur a imposée, alors ils l'ont négligée et l'ont délaissée. Par contre, une charge qui ne leur a pas été imposée, ils se le sont imposées. Donc ils ont imposé ces charges-là qu'Allah Jalla wa'ala ne leur a pas imposées à eux-mêmes. Et de ce fait, ça a causé la perte de beaucoup d'individus. C'est pour cela qu'il faut bien réfléchir et méditer sur cette remarque et cette réflexion que souligne Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymeen. Elle est vraiment très pertinente. Combien de gens aujourd'hui on voit qui s'imposent des choses, des traditions qui ne font même pas partie de la religion. Et ils pensent que cela fait partie de la religion. Et lorsqu'on leur apporte des choses prouvées d'une manière authentique, on leur apporte les choses du Coran et de la Sunna du prophète, ensemble, ils ne les acceptent pas et ne les pratiquent pas. Or, ces choses-là, Allah les a réellement imposées et prescrites. Par contre, ils vont s'imposer des choses qui n'existent pas dans la religion ou des choses carrément, et plus grave encore, qui sont même, voire même interdites dans la religion. Donc ça, c'est une remarque très pertinente. Et Cheikh Ibn Uthaymeen va appuyer cette remarque avec un hadith. Le célèbre hadith du prophète sallam, lamma qala sallallahu alayhi wa sallam, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, fala yajuzu dhalik. فقال الشيخ ابن عثيمين أما أن تكلف نفسك شيئا لم يكلفك الله به بل نهيت عنه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. Et Cheikh Ibn Uthaymeen va conclure cette remarque et cette portée d'attention avec un hadith immense du prophète où il est rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit a péri المتنطعون a péri al-mutanatti'un, a péri al-mutanatti'un. Donc vous avez vu dans la traduction, je suis resté sur le terme en arabe. Donc le prophète à trois reprises, il a dit qu'a péri al-mutanatti'un. Qui sont al-mutanatti'un? Al-mutanatti'un, les savants ont vraiment développé l'explication de ce terme dans le hadith. Donc les savants étaient attentifs d'expliquer ce hadith. Al-mutanatti'un, beaucoup de savants, parmi les termes qu'ils ont employés pour expliquer ce hadith, ils ont dit at-tanattu'. Pourquoi? Parce qu'al-mutanatti'un, c'est ceux qui font at-tanattu', ce qu'on appelle en arabe at-tanattu'. Donc il faut savoir qu'est-ce que cela. Ils disent que c'est at-takalluf, ou at-tashaddud, ou al-ghulu, ou al-mubalagha, ou al-ihdath, al-ibtida'. Ils disent que at-tanattu', c'est l'exagération. C'est l'exagération. C'est aussi le fait de s'imposer une chose qu'Allah Jalla Wala nous a pas imposée, s'imposer une charge qu'Allah nous a pas imposée. Donc c'est le fait de insan yatashaddad, c'est tashaddud aussi. C'est le fait de rendre les choses plus difficiles qu'elles le sont. Donc regardez, tanattu', ça englobe le fait d'innover dans la religion aussi, le fait d'inventer des choses, ça englobe le fait de rendre les choses plus difficiles, les compliquer, le fait de compliquer les choses, ça englobe le fait aussi d'exagérer aussi, les savants parlent aussi, c'est le fait d'exagérer et aussi parmi les sens, le fait de s'imposer une chose qu'Allah Jalla Wala nous a pas imposé, le fait de s'imposer une charge, de vouloir supporter une charge qui nous a pas été imposée de la supporter. Et vous avez vu, c'est tanattu'. Donc lorsque le prophète s'en dit halakal mutanatti'un, que on périt le mutanatti'un, c'est ceux qui compliquent les choses, c'est ceux qui s'imposent une chose qui n'a pas été imposée, c'est ceux qui innovent, inventent des choses dans la religion, c'est ceux qui, comme on l'a dit précédemment, vont en quelque sorte exagérer aussi, exagérer dans la religion. Donc le terme englobe tout cela. Et même pour bien comprendre cela, les savants ont donné des bons exemples pour bien comprendre cela. Donc ce hadith, il faut faire attention. C'est une bonne portée d'attention. Il faut faire attention de ne pas faire partie d'El Mutanatti'un. Parce que le prophète a dit, ces gens-là ont péri. Ils périssent, ces gens-là. Ceux qui compliquent les choses, ou bien ceux qui imposent des choses qui ne sont pas imposées, ou bien, comme on l'a dit précédemment, par rapport à l'explication qu'on a donnée. À titre d'exemple, pour bien comprendre cela, Cheikh Ibn Uthaymeen, par exemple, a donné un exemple dans d'autres cours à lui, et dans d'autres explications, et qui conviennent avec le mois du Ramadan. Certaines personnes, par exemple, ont des dérogations, par exemple, pour le jeûne du Ramadan. Si une personne est malade, par exemple, elle ne peut pas effectuer le Ramadan. Elle ne peut pas jeûner ces jours du mois du Ramadan. Pourquoi? Parce que si une personne est malade et que le jeûne peut lui nuire et risquer sa vie, par exemple, lorsqu'il jeûne, s'il risque sa vie, à ce moment-là, il a une dérogation et ne doit pas jeûner. Celui qui, par exemple, ne veut pas prendre la dérogation, celui qui, malgré qu'il a une maladie qui l'empêche de jeûner et ne peut pas jeûner, et s'il jeûne, il met sa vie en périple, il met sa vie en danger. Donc lui, maintenant, dans la religion, il y a une dérogation. Il doit ne pas jeûner. Il doit ne pas jeûner, ensuite il a une compensation à cela. Al-Muhim Sheikh, il dit, le fait de ne pas prendre la dérogation et le fait de ne pas observer cela, ça c'est de l'exagération. Là, la personne s'impose à elle-même ce qu'Allah Jalla Wala ne lui a pas imposé. Et vous avez vu, comme le prophète Salam nous a donné l'exemple aussi dans des récits, lorsqu'il avait été rapporté au prophète que des gens avaient dit, moi je vais jeûner sans jamais rompre mon jeûne. Et une personne a dit, moi je ne me marierai pas. Et autres, parmi des gens à l'époque du prophète, Sam, qui ont exagéré dans la religion, qui avaient exagéré dans la religion. Eh ben, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite leur a clarifié que lui, qui est celui qui craint le plus Allah, subhanahu wa ta'ala, lui, il se marie, lui, il jeûne et il rompt son jeûne. il jeûne, il rompt son jeûne, et il leur a dit, Men raghiba an sunnati falaysa minni. Et oui, le troisième, puisqu'il y en avait trois, le troisième, c'est qu'il disait que lui, il se réveillerait la nuit, donc il prierait toute la nuit sans dormir. Il prierait toute la nuit sans dormir. Lorsque cela a été rapporté au prophète, hein, sallam, alors le prophète a réprouvé cela et il a dit, Man raghiba an sunnati falaysa minni, celui qui méprise ma sunna ne fait pas partie des nôtres. Regardez, le prophète, sallam, disait qu'il se lève une partie de la nuit, il prie, il dort une autre partie de la nuit. Le prophète se mariait et le prophète, sallam, jeûnait et rompait son jeûne. Eux voulaient, l'un de ces trois voulait jeûner sans jamais rompre son jeûne. Sans rompre son jeûne. Ensuite, il y a des explications. Est-ce que c'est, il jeûne un jour, l'autre jour ensuite? En tout cas, il disait, voilà, yuftir, il ne rompre pas son jeûne. Un autre voulait prier toute la nuit, sans dormir, et l'autre voulait ne point se marier. Ça, c'est de l'exagération. Et ça ne fait pas partie de la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là, vous avez des exemples concrets, par exemple. Pour comprendre bien cela aussi, on a un autre hadith qui nous a rapporté un autre hadith à l'époque du prophète, alayhi salat wa salam. Un jour, c'est le hadith, un hadith célèbre de Abu Israël, comme il est dit. De Abu Israël, c'est le hadith d'Abdallah ibn Abbas. De Abdallah ibn Abbas, un jour, alors que, baynama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yakhtub, idha huwa bi rajulin qa'im. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait al-khutba, le serment, un serment, il y avait un homme qui était debout. Fasala an. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interrogé les compagnons au sujet de cet homme qui était debout. Faqalu Abu Israël. Alors ils ont dit, cet homme s'appelait Abu Israël. Hadi kunyatuhu. Il est dit que c'était ça, l'un de ses surnoms. Alors, lorsqu'ils ont informé le prophète au sujet de cet homme, c'était un homme qui avait fait un vœu. Il avait fait un vœu de jeûner. Et il avait fait un vœu de rester sous le soleil debout. De rester debout sur le soleil. Et qu'il ne s'assirait point. Et qu'il n'allait pas chercher l'ombre. Il n'allait pas s'abriter, si vous voulez, à l'ombre. Wala yatakallam. فقيل فنظر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ولا يصوم لا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ولا يصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري. Regardez le, et c'est rapporté par l'imam Bukhari. Alors lorsqu'ils ont dit au prophète صلى الله عليه وسلم, il a fait un vœu de rester sous le soleil, de ne pas s'asseoir, de ne pas s'abriter à l'ombre, de ne pas parler et de jeûner. Alors le prophète Ansem a dit, ordonnez-lui, فليتكلم, qu'il parle, qu'il s'abrite à l'ombre, qu'il s'assoie et qu'il complète son jeûne. Ça, c'est un hadith qui a rapporté l'imam Bukhari. C'est un hadith qui est authentique. Vous avez vu, ça, c'est une forme aussi d'exagération. Le fait d'innover aussi dans la religion, c'est une forme d'exagération. Donc il faut être très vigilant. Le prophète Ansem a dit par trois reprises, هلكل متنطعون. On voit beaucoup de gens aussi qui font l'exagération dans l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, dans le fait de conseiller le bien, d'ordonner le bien et de blâmer le blâmable, de réprouver le blâmable, soit des gens qui ne le font pas du tout, soit entre d'autres qui le font d'une manière exagérée, avec leur insurrection et leur rébellion envers leurs autorités. Ça, c'est al-ghulu, et c'est de la al-mubalara, c'est de l'exagération dans la religion, et c'est al-mukhalafat, mukhalafat sunnah, wa mu'taqadi ahli sunnati wal jama'a, et ça contredit la sunnah, la tradition du prophète, et la voix des pieux prédécesseurs, et des gens de la sunnah. Vous avez vu, c'est quelque chose où il faut être très, très vigilant à cela. Ensuite, l'imam Bukhari, on va se quitter sur cela, l'imam Bukhari ensuite, mentionne un hadith. Après qu'il ait mentionné le verset, l'imam al-Bukhari mentionne un hadith et il dit, قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض قولك حق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعه حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت والىك انبت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت واسررت واعلنت انت الهي لا اله الا غيرك لا اله لي غيرك حدثنا ثابت بن محمد حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال انت الحق وقولك حق وقولك الحق. Donc ensuite l'imam al-Bukhari il mentionne ce hadith. Donc vous avez vu, c'est une invocation. Donc Abdallah ibn Abbas nous enseigne que le prophète sallam la nuit il se réveillait, ou lorsque la nuit le prophète sallam invoquait, il disait Allahumma lak al-hamd. Donc le prophète la nuit, lorsqu'il invoquait Allah jalla wa ala, il implorait Allah, il lui disait Allahumma lak al-hamdu anta rabbu as-samawati wal-ard lak al-hamdu anta qayyimu as-samawati wal-ard. Le prophète disait ô Seigneur, lak al-hamd, à toi appartiennent les louanges, anta rabbu as-samawati wal-ard, tu es certes le Seigneur des cieux et de la terre, lak al-hamd, à toi appartiennent les louanges, anta qayyimu as-samawati wal-ard wa man fihin, lak al-hamdu anta nuru as-samawati wal-ard, qawluka al-haq wa wa'duka haq wa wa'duka al-haq wa liqa'u haq wal jannatu haq wal naru haq ila akhir al-hadith. Ad-du'a qu'on traduira inshallah demain. Donc demain je vous répéterai inshallah le du'a en entier avec la traduction inshallah, et on continuera inshallah sur l'explication de ce chapitre avec l'explication et le commentaire de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen. Wallahu a'lam wa salli wa sallim ala أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.